Prononciation, exercice 5. Son S, Z. Écoutez. Ils entendent un gros bruit. Ils sont allés dans un petit village. Distinguez les sons S et Z que vous entendez. Ils y sont souvent. Ils ont trop souffert. Ils savent se servir des instruments. Ils ont décidé de sortir. Des expositions comme celle-là, je les ai toutes visitées cette semaine.